Session de détente et de balayage psychique avec l'énergie. Donc, je vais procéder maintenant à une session combinée, soit de détente et de balayage psychique. Donc, dans un premier temps, je vais lire lentement des phrases pour favoriser un état de détente, un état de disponibilité interne de la conscience. À faire du balayage psychique par la suite dans un état de calme. Donc l'état de détente sert à préparer la personne à vivre l'activité de balayage psychique pour qu'elle soit pleinement disponible et être dans un état d'intériorisation propice à cela. Donc, c'est la première fois que je fais un tel enregistrement avec ces deux activités combinées. Donc, si vous avez des commentaires si rapportants, vous pouvez me partager aussi comment vous avez trouvé ça, vécu ça pour les gens qui vont écouter l'enregistrement dans les prochaines minutes. Donc, vous pouvez m'écrire en bas de l'enregistrement présent. Donc, il y a une section en bas de la vidéo qui est réservée par rapport à ça pour me partager comment vous avez trouvé donc l'enregistrement, vos perceptions, vos observations. Et sinon, bien, avant de débuter à proprement dit, je veux mentionner aux gens qui apprécient mes activités de diffusion web, eh bien, que vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont Interac et également PayPal. Donc, à ce sujet, vous allez avoir les informations qui se retrouvent en bas de l'enregistrement. Et là, je vais débuter à proprement dit. Dans les prochaines minutes, je vais vous proposer de vous asseoir confortablement dans un lieu qui va être calme, propice à l'intériorisation. Ça peut être, par exemple, de s'asseoir sur un divan. Ensuite, je vais vous suggérer de fermer doucement les yeux. Et ensuite, de prendre des grandes respirations qui sont calmes, dans l'optique d'installer le calme en vous. Donc, je vais vous suggérer d'inspirer tranquillement, ensuite d'expirer également tranquillement. Donc, je vais inspirer et expirer. Puis je vais ralentir le rythme en inspirant et en expirant. Et je vais viser à avoir un rythme encore un peu plus lent. Maintenant, mes yeux sont fermés, ma respiration est calme et lente. Les muscles de ma mâchoire sont relâchés. Mon cœur bat un rythme calme et lent. Je suis de plus en plus en paix. Je suis de plus en plus en harmonie avec moi-même. Ma main gauche s'avère maintenant lourde. Ma main droite est également de plus en plus lourde. Mes mains sont devenues maintenant très lourdes. Mon bras gauche s'avère lourd. Mon bras droit est de plus en plus lourd. Mes bras sont de plus en plus lourds. Mes mains et mes bras sont à présent détendus. Ma jambe gauche s'avère lourde. Ma jambe droite est maintenant lourde. Mes jambes sont lourdes. Mon ventre est calme. Mes organes internes sont détendus. Mon front est rafraîchi. Je suis de plus en plus en paix. Mon corps est complètement détendu. Je suis de plus en plus présent à cet état de détente. Je ressens maintenant de plus en plus la présence de l'être qui me nourrit. Je suis maintenant harmonisé dans le calme et la paix. Maintenant, nous sommes rendus à la deuxième partie de l'enregistrement qui va porter sur le balayage psychique. Le balayage psychique vise à identifier l'état vibratoire d'éléments. Donc, ça s'appuie sur le principe que derrière toute chose, toute forme qu'on peut percevoir, il y a une vibration. Et on peut procéder du balayage psychique par rapport à n'importe quel élément qui sont présents là, dans la réalité physique. Ça peut être un organe physique comme le cœur, un objet comme un véhicule automobile, une personne comme un ami, un lieu comme une résidence. Et on peut utiliser sa psyché, sa conscience, pour percevoir ces éléments, les balayer psychiquement, et ensuite, on peut laisser l'être, c'est-à-dire nous, sur le plan multidimensionnel, donc sur le plan de l'énergie pure, entre autres, opérer sur le plan énergétique, au besoin, pour agir sur des éléments, pour équilibrer ou transmuter des énergies. L'être qui est énergie a de l'impact sur les éléments étant composé également d'énergie, car il n'est pas séparé d'eux de par le champ d'énergie universelle, le champ quantique. Tout est lié. En physique quantique, le simple fait d'observer quelque chose a un impact dessus. La perception vibratoire a un impact sur la vibration des éléments du système qu'est la réalité. Lors du balayage psychique, la personne utilise sa conscience pour passer en revue des éléments étudiés, inspirer avec intention de conscience et ensuite expirer en mode canalisation et regarder ce qui émerge. Idées, sensations, perceptions subtiles, intuitions, etc. Si je perçois un malaise dans mon corps ou par rapport à un élément que je perçois, je laisse l'énergie éthérique opérer pour mettre de l'ordre et transmuter l'énergie dissonante au besoin. J'assiste à ce qui s'opère en moi dans un état de laisser-être. Donc, c'est sûr que la personne aussi, lorsqu'elle fait du balayage psychique, Elle peut regarder si elle reçoit l'idée, la pensée, qu'elle a quelque chose à faire pour maintenir de l'ordre une fois que l'élément dissonant est ajusté sur le plan vibratoire. Donc, on peut inspirer en invoquant l'énergie intrique, c'est-à-dire l'énergie qui se rattache à nous par rapport à notre multidimensionnalité qui est au-delà du plan physique, pour ensuite, lors de l'expiration, canaliser et débloquer la circulation de l'énergie dans le corps, libérer de l'espace et faire éclater des formes au besoin. Donc, si on fait du balayage, plus spécifiquement par rapport à la dimension corporelle, ce dont il sera objet là, au début de cette activité de balayage. Pour l'activité à proprement dit, dans les prochaines minutes, je vais nommer des éléments à balayer psychiquement et par la suite, je vais laisser de l'espace pour pouvoir inspirer et expirer. Donc, l'idée, c'est lors de l'inspiration que la personne qui le désire soit capable de placer une intention de conscience pour scruter cet élément se rapportant à elle, et dans l'expiration, être dans un mode au-delà de la réflexion pour laisser émerger spontanément qu'est-ce qui vient de l'être qui va lui donner soit des idées, des images, des sensations, perceptions subtiles, etc. par rapport à l'élément qui est évalué. Et aussi, je vais laisser du temps pour que si il y a un travail énergétique à s'opérer qui s'opère sur l'expiration pour ajuster l'élément au besoin, advenant le cas naturellement. Donc, voilà la façon que je vais procéder dans les prochaines minutes. Ma tête. Mon cœur. Mes poumons. Mes reins. Mes intestins. Ma peau. Mon système immunitaire. Mon corps physique dans sa globalité. Mon aura. Mon état émotionnel. Mon mon état intellectuel. Mon état vibratoire. Ma résidence. Le local où je travaille. Mon travail. Mon rapport à ma compagne. Mon rapport à ma famille. Mon animal de compagnie. Mes finances. Et à présent, progressivement, on va se préparer à sortir de l'état de détente dans lequel nous étions entrés précédemment. Donc, je vais faire un décompte jusqu'à 5. Et une fois rendu à 5, eh bien, ça va marquer la fin de cette activité. Donc, 5, progressivement, je me mets à bouger calmement les doigts. 4, je me mets progressivement à tourner les poignets. 3, progressivement, eh bien, j'ouvre les yeux. 2, progressivement, je regarde les éléments dans mon environnement immédiat. Ensuite, je vais aller à 1 et je suis ici et maintenant. Donc, je peux bouger les mains, les bras. Et j'espère que l'enregistrement présent vous a plu. Et si vous l'avez apprécié, bien, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les moyens de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interact, dont vous allez retrouver les informations en bas de l'enregistrement dans le texte descriptif s'y rapportant. Et c'est sûr que je veux mentionner aux gens qui ont vécu cette première activité, donc de session de détente et de balayage psychique, qui auraient des commentaires à me faire, eh bien, vous pouvez les acheminer en bas de la vidéo présente. C'est sûr que j'apprécie en particulier les critiques de type constructive dans l'optique d'améliorer les enregistrements que je produis au fil du temps. Donc, merci de votre écoute. Et bonne fin de journée. Au revoir.